Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! Salut les accros, c'est le Big Ben! Et Antithèse. C'est Marilune. Pour le podcast des accros de l'animation, ce soir, on vous parle de l'inspecteur Gadget, série des années 80, qui est une coproduction de à peu près 4 pays en même temps. Mais ça, on s'en fout, on rentrera pas dans le détail pour vous parler de cette série-là, mais on va en parler en général. C'est quoi qu'on a aimé de cette série-là? Qu'est-ce qu'on trouve bon? Qu'est-ce qu'on trouve pas bon? On jase avec vous aujourd'hui. Si jamais vous nous écoutez live, vous pouvez nous jaser directement sur Twitter avec le hashtag AccroDesJeux ou vous pouvez également nous jaser via le chat sur YouTube. Jaser pendant que vous avez, si vous passez du temps avec nous live, venez nous dire un petit coucou, un petit bonjour et ça va nous faire plaisir de vous jaser. Alors, d'abord, on va jaser d'abord du feeling qu'on a relié à cette série. Parce que c'est une vieille série qui date des années 80. On est de la génération fin vingtaine, début trentaine, donc on a vécu à fond dans le temps où ça a été produit, Inspecteur Gadget. Et je pense que ça nous a laissé à chacun une impression différente de cette série-là. Je vais commencer avec PL. Ton impression de cette série-là dans le temps, tes souvenirs, c'est quoi tu te souviens des années 80, Inspecteur Gadget? Et qu'est-ce que ça t'a laissé? Écoute, Inspecteur Gadget, c'était une de mes émissions préférées quand j'étais plus jeune. Sur le fait que c'est quand on partit quand même d'un homme qui a plein de pouvoirs, qui est un héros qui est cybernétisé. Et que mais que c'est pas exactement malgré ses pouvoirs, l'humour derrière ça, c'est le fait que c'est sa fille et le chien. Sa nièce. À sa place. Ce qui fait également très français, puis un peu bien la tendance japonaise pour enfants, mais ça change pas le fait que ça a son charme pour ça. Mais ça ne fait pas justice à ce qu'est l'inspecteur Gadget. C'est pourquoi je laisse la parole à Marilune. Vas-y, Marilune, parle-moi un peu de tes impressions de cette série-là. C'est quoi tes souvenirs? Qu'est-ce que tu te rappelles de cette série-là? Moi, je me rappelle que moi aussi, c'était une de mes émissions préférées quand j'étais jeune. Il fallait pas que je manque un épisode. Je dirais, mes premières émissions que j'ai écoutées, c'était Passe-Partout, Inspecteur Gadget. À ce point-là. Puis, c'est très nostalgique pour moi. Puis, à chaque fois que j'écoute un épisode, c'est comme, oh oui, ça. Je me reliais beaucoup, beaucoup à un des personnages particuliers qui était Sophie, puisque c'est la seule fille du lot, mais aussi parce qu'elle était toujours dans son bouquin, puis c'était elle qui aidait les autres. Donc, pour moi, elle me ressemblait beaucoup. Donc, puis vu qu'elle avait un chien, puis moi j'avais un chien, j'étais comme, ah, ça serait le fun. Tu sais, moi, je voulais quasiment entraîner mon chien pour qu'il devienne quasiment aussi cool que Fino, là. Donc, c'est vraiment mes souvenirs. C'est des très bons souvenirs que j'ai, mon inspecteur Gadget. J'ai pas de mauvais souvenirs en rapport à ça. Je vous dirais que dans mon côté à moi, c'est également une série qui m'a resté accroché pendant des longues années. Je me souviens encore du temps où le câble, c'était pas sur... Tu pouvais pas brancher le câble directement à sa télé. Il fallait que t'aies une boîte brune. Et une boîte brune que quand tu pesais sur le piton, ça faisait un gros clic. Et tu peux changer de poste. D'accord, dans le temps, j'allais, parce que dans le temps, Canal Famille, je crois que c'était au 31. C'était effectivement au 31. Alors je cliquais sur le 31 et je me demandais toujours quelle émission j'allais pogner, parce que, bon, à 4-5 ans, la notion de l'heure, tu l'as pas bébé. Tu l'as un petit peu, tu sais qu'à peu près vers tel temps de l'année, mais tel temps du jour, t'as à peu près telle sorte d'émission, mais c'est à peu près tout. Fait que quand je tombais sur cette émission-là, quand je pesais sur le 31, j'étais vraiment content. C'est une émission qui... Oui, Inspecteur Gadget, il est con. OK? C'est un personnage qui est con. Mais on l'apprend à l'aimer parce qu'il... il est tellement naïf que ça en fait son charme dans un sens, malgré... Il est juste lunatique, puis il est trop idéaliste pour son propre bien. Je pense que c'est trop de confiance, peut-être. Trop de confiance en ses gadgets, pas assez à ses instincts de policier en tant que tel. C'est peut-être ça. J'ai bien dit ça. Parce que il utilise naturellement, il faut qu'il utilise après tout, mais c'est aussi le fait que dans son cas, il y a plusieurs émissions aussi qui fait confiance à des associés de Mad. Et finalement, c'est jusqu'au point où c'est que les associés finissent par en avoir peur tellement que Gadget fait n'importe quoi et fait des gaffes à tour de bras. Et au contraire, il croit que Fino, souvent, c'est un agent de Mad. Puis il croise, puis il dit « Ah, c'est l'agent de Mad, c'est l'agent de Mad, c'est l'agent de Mad! » Mais je trouve ça tellement, tellement drôle, tellement il peut être, pas lunatique nécessairement, mais innocent, mais dans le bon sens du terme. Faut dire que l'inspiration première de Inspecteur Gadget, c'est quand même l'inspecteur Clouseau. Des séries de la Panthère Rose. Alors, c'est un personnage qui est très, très, très lunatique et porte souvent un jugement très rapide. Puis c'est souvent par la chance, puis par... comme Inspecteur Gadget, c'est vraiment par la chance qu'il réussit souvent à résoudre ses enquêtes. Parce que, faut dire une chose, Inspecteur Gadget, il serait rien sans Sophie et Fino. Je pense qu'il serait déjà mort. C'est vrai. Fait que, je pense que ça nous a chacun laissé des traces entre nous. On a eu le temps d'écouter quelques épisodes chacun pour se remémorer de la série. On va y aller avec Marilyn pour commencer. Qu'est-ce que ça t'a fait de le réécouter, là? Ah, du bonheur. C'est du bonheur en canne, sérieusement, là. Moi, je retombais direct en enfance. Puis, je faisais exactement comme quand j'étais plus jeune. Je regardais la télé, puis... Je partais à rire à toutes les gags. Même si c'est pas visé pour mon âge actuel, moi, je trouvais que les gags avaient pas vieilli. Et ça, c'est un gros, gros plus. Un gros plus d'Inspecteur Gadget. Puis, les personnages, je les aime tout autant que quand j'étais plus jeune. Ça aussi, c'est un très, très, très, très bon point. C'était juste du pur bonheur réécouter Inspecteur Gadget pour moi, là. Sérieusement. Toi, PN, est-ce que depuis ta réécoute, est-ce que ça a changé ton impression sur la série? Bon, de quoi? J'ai malheureusement pas réécouté aucun Inspecteur Gadget, mais je peux te garantir que si ils sortent un DVD, puisqu'au meilleur de mes connaissances, il n'y a pas de DVD, il y en a animé de sortie des années 80, j'irai le chercher. Je pense que j'irai le chercher demain matin. Sans dramatiser sur quoi que ce soit, je peux vous garantir une chose, c'est qu'Inspecteur Gadget, voici l'ampleur de l'impact de l'émission sur moi. Ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Juste pour vous dire. Fait que je trouve ça en dit long, et je pense qu'effectivement, j'adhère avec ma collègue, ce sont des gags tellement larges que ça va prendre un méchant temps avant que ça vieillisse. C'est intemporel, Inspecteur Gadget. Ouais. Et j'ai envie de voir que je suis là. Écoutez, j'ai un truc à vous partager que j'ai trouvé très cocasse de taille. Une seule chose qu'il ne comprend pas de la série, où sont les parents de Sophie? C'est jamais expliqué. Ouais. C'est vrai, hein? Ça n'a jamais été expliqué, ça. Mais je pense que c'est juste l'une des choses qui n'a pas besoin d'explication en tant que telle, parce que, de toute façon, entre guillemets, son tuteur légal, ou on assume que son tuteur légal, c'est Gadget. Tout à fait. De toute façon, c'est un prétexte pour dire qu'il n'y a aucune relation. Je te dirais que c'est le complexe un petit peu comme Peter Parker et son oncle les attentes. D'un premier temps, c'est pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé aux parents de Peter Parker. Puis on assume que c'est correct. C'est son oncle. That's it. D'accord. On en finit là. C'est orphelin, ça permet de séparer le lien affectif de parents, de le mettre d'une autre façon. Puis je trouve que c'est pas nécessairement nécessaire non plus d'avoir l'explication pourquoi Sophie est avec Abish et son oncle et tout ça. Parce que je pense que pour l'âge auquel c'est visé, personnellement, c'est pas nécessaire de savoir ça. Ce que les enfants veulent, au prime abord, c'est l'action que l'inspecteur Gadget. C'est pas nécessairement, OK, pourquoi Sophie est tout seule, patati patata, puis elle a juste son chien puis son oncle. Je trouve que c'est un peu inutile. Mais s'arrêter dans les films, je sais même pas si c'est expliqué dans les films qui a été Pas fait plus. d'Inspecteur Gadget. Pas plus. C'est pas essentiel, tout simplement. J'ai pas suivi les films. De toute façon, moi, c'est comme. Horrible. On va vraiment séparer les films parce que on s'entend Ouais, une c'est chose, c'est vrai. pas la même production. C'est Disney qui ont acheté les droits d'Inspecteur Gadget pour faire deux films. Et de ce que j'ai entendu dire, c'est mauvais. Alors là-dessus, on regardera pas ce côté le film, mais je pense que, comme de toute façon, en 22 minutes par épisode, t'as pas le temps d'expliquer un background. Puis c'est correct. Tout comme on sait pas pourquoi dans la série, pourquoi Gadget est conçu de même. C'est correct. On assume c'est correct. Fait que là-dessus, on va commencer avec les histoires. Qu'est-ce que vous pensez des histoires de Gadget? Elles sont simples, elles sont bien racontées. Elle permet une participation de l'audience, comme on l'a dit plus tôt. Gadget, il est tombé innocent. Fait que tu dis, comment qu'il peut manquer l'indice devant sa face? Moi, je le vois, blablabla, mais ça fait partie du gag, justement, dans son cas. Là, je vais dire une version assez globale de la chose, cependant. Fait qu'il faut pas m'en vouloir si... Quand je peux te dire ça. Pour en vouloir dans le fond, il n'y a pas en plus à expliquer. C'est sûr qu'il y a des éléments bons. Comme Ben a dit, l'émission est plus basée aussi sur qu'est-ce que Gadget va sortir. Quel pouvoir il va utiliser pour se sortir du ou des pétrins. Et aussi comment Finot ou Sophie vont l'aider également. Faut pas Parce oublier que ça. faut pas oublier, s'ils sont pas là, Gadget est fait. Il est Souvent. fait parce que c'est sûr que Mal l'attrape tout de suite parce qu'il embarque dans tous les pièges que Mal lui tend, ou quasiment tous, sans exception, pour se faire tuer en bout de ligne. Fait que s'il n'y aurait pas Sophie puis Finot, je pense que les petits morceaux d'Inspecteur Gadget, c'est un petit peu partout. On le sait pas, ça, parce qu'après tout, c'est essentiellement un cyborg. Ils ont jamais C'est vrai. la qualité de ses composants, mais faut pas non plus prendre ça pour acquis. Peut-être, mais faut dire une chose, il se passe quelque chose de totalement horrible avec, c'est sûr. Parce qu'il y a pas la présence d'esprit de comprendre que quand il est capturé par Mad. Il pense toujours qu'il est capturé par il s'est passé telle affaire. Ah, je suis idiot. Ah, la porte est ouverte, finalement. Ah, je t'ai pas capturé, moi. Genre. Mais le problème avec Inspecteur Gadget, c'est qu'il a confiance en tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il est crédule, il pense que tout le monde est gentil alors qu'autour de lui, ça pullule de gens qui sont méchants. Pour l'attraper lui, fait que oui, ça fait sa beauté. Inspecteur Gadget est très crédule, puis c'est un peu la beauté du personnage. Dans un sens, c'est ce que je trouve. Il est naïf, c'est sûr, mais il a un grand cœur. Ça, c'est ce que je peux lui, c'est ce que je peux lui donner comme qualité aussi. C'est un grand cœur, puis il va toujours, malgré qu'il a de la misère à discerner la bonne personne de la mauvaise personne, il a un sens de la justice. Ça, faut lui donner ça. Non, c'est vrai. Est-ce que tu penses que le commissaire partage ton avis, Ben? Je te dirais que le commissaire, je pense qu'il l'aime, ben il a pas le choix. Il sait qu'il va se passer de quoi de mauvais avec, mais il sait que les enquêtes sont bien résolues pareil. Alors là-dessus, je te dirais que c'est autant de la compréhension de savoir pourquoi qu'il donne pas les enquêtes à Penny. S'il Parce donnerait à Penny, je pense que ça que marcherait, tu rigoles. c'est une mineure. Peut-être, mais Je n'ai regarde. pas sa formation de d'inspecteur non plus, fait que. Tu sais, on se demande encore comment il a fait pour devenir inspecteur, là. Il a toujours eu Penny en arrière de lui pour l'aider, c'est correct. Et là, de ce que j'ai vu sur Wikipédia, ça a l'air qu'il est rendu... il est plus inspecteur gadget, c'est rendu qu'il est, il est rendu à un autre niveau. Il a toujours été agent d'Interpol, mais un agent d'Interpol a également le titre d'inspecteur. C'est juste un inspecteur assez haut gradé. Puis il faut aussi assumer que vu qu'inspecteur gadget, c'est en quelque part une espèce de projet secret, tu sais, un cyborg, ça court pas les rues. Après tout, il y a pas de, c'est pas supposé d'être comme entre guillemets connu ou commun, quoi. Fait que c'est pour ça qu'il Interpol, c'est en même temps pour le protéger, lui. Mm-hmm. Pour ce que ça vaut. De ce que je vois sur Wikipédia, il y a une série qui date de 2001 à 2003 où, qui s'appelle Gadget et les Gadgetini, où Inspecteur Gadget est devenu lieutenant Gadget. Lieutenant. Oh my god, ça, c'est pas prometteur pas en tout, ça. Mais, tu sais, pour revenir encore à Penny puis Fino, on se demande, là, quand ils vont devenir adolescents, là, ils seront plus là pour eux autres. Tu sais, on fait comme, ah, ça, mon oncle s'en va, ben là, je suis occupé, moi, je vais m'occuper de mon chum, moi. Tu sais? Regarde, j'ai tout fait pour lui pendant X nombre d'années, je t'écœuré, je m'en vais. Tu sais, ça fait pas, je pense, pour ça, mais c'est correct, tu sais, je veux dire, ils ont toujours gardé Penny à 8 ans, 9 ans, fait que tu sais, c'est correct, là, là-dessus, on... Je pense que Penny, elle doit rester à cet âge-là pour ça. Qu'est-ce que vous pensez des personnages? À part Inspecteur Gadget, parce que je pense qu'on l'a pas mal résumé. Qu'est-ce que vous pensez de Sophie et de Fino, mettons? Corrige-moi si j'ai tort, ou même les gens qui nous écoutent sur Twitter ou sur le chat me corrigent. Je pense que Penny, c'est un des personnages les plus féminins, un des premiers personnages féminins les plus appréciés, les plus favorites, une des premières de son temps. C'est assez rare, même dans les années 80, il me semble. Mais je suis même convaincu que... Un instant. Même que je suis convaincu que... Penny est un des premiers personnages féminins forts des années 80. Ou parmi. Pas mal sûr. Et ou sinon, assurément, favorite. Côté popularité. C'est sûr qu'elle était. C'est sûr que c'est une personnage favorite autant chez les garçons que chez les filles. Je te dirais qu'il y aurait Shira, mais ça, c'est américain. Fait que, non, je sais pas. Je t'avoue que je me suis jamais posé cette question-là. Moi non plus, mais selon moi, c'est sûr que Inspecteur Gadget avait un public plus féminisé grâce à Sophie. Parce que Sophie était un personnage très fort, qui était une petite fille qui était super intelligente, super allumée, tu sais. Fait que, dans un sens, dans les années 80, ça faisait du bien de voir quelque chose comme ça. Mais c'était rare. Malheureusement, c'était rare. C'est ça. Puis c'est pour ça que ça amenait un vent de fraîcheur quelque part, parce que c'était très rare de voir une petite fille qui était autrement que par les princesses et tout ce que tu voudras. Donc, ça amenait quelque chose de nouveau également, tu sais. Pas juste ça, c'est que faut regarder quand même le costume de Penny. Il est très masculin ou très tomboy. C'est vrai. Mais elle a des lulus qui permet de garder son côté féminin. C'est correct. C'est totalement correct. Mais faut dire que, comme moi, quand je l'écoutais jeune, d'habitude, moi, bon, les cartoons pour filles, j'écoutais pas ça. Je l'avoue. Sauf que j'écoutais Inspecteur Gadget, c'était correct. Puis pour moi, je pouvais quand même m'identifier avec Sophie. Je sais pas, parce qu'elle avait quand même une allure de garçon manqué d'un certain sens. Selon moi, c'était un petit peu voulu également, parce que, sérieusement, les petites filles et garçons manqués n'étaient pas beaucoup représentés nulle part dans les dessins animés. Surtout dans les années 80. Surtout dans les années 80. J'en ai juste un exemple, là. OK, ça paraît peut-être con, là. Le petit castor. La fille est en robe rouge avec une belle grosse fleur dessus. C'est pas con. C'est un, c'est un excellent exemple. Tout à fait. Ah non, là-dessus, je pense que ça a permis aux petites filles qui était plus tomboy à l'époque, puis qui doivent à Starlight aussi. J'imagine ma nièce écouter ça, puis je pense qu'elle n'aurait pas de problème, puis elle pourrait voir ça comme un modèle plus pour elle. Puis c'est correct. Fino, rapidement, qu'est-ce que vous pensez du chien? Vous l'aimez-vous, ce personnage-là? C'est ne pas avoir un chien comme Fino. Qui n'aurait pas voulu avoir Fino dans sa vie? Oui, écoute, un chien aussi intelligent, puis aussi débrouillard, et quand je peux dire ça, un chien de fond supérieur aux autres chiens, écoute, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, ben Fino est l'ami sur lequel on peut facilement compter, alors oui! Oui, puis sérieusement. Puis un chien qui est capable de communiquer aussi avec l'humain. Exact, c'est génial. Écoutez, ça botte des culs, je trouve. Même si pauvre Fino, souvent il se faisait un petit peu beaucoup exploiter par Sophie, mais bon, c'est un détail. C'est un petit détail parce que faut dire une chose, il y en a bavé, ok? Il en a mangé des coups, il est tombé à terre, il en a tout fait pour Penny puis pour Inspecteur Gadget. Fait que oui, ce chien-là, là, il mériterait une médaille à chaque épisode. Oh oui! Pas à peu près. Sinon, personnage autre, le méchant, Mad. Pas Mad, Dr. Gang en français, c'est Dr. Claw en anglais. Vous en pensez quoi, ce personnage-là? Un personnage, d'abord, que dans la série complète, on n'a jamais vu son visage. On a juste vu son bras. Jamais. Puis le pire, c'est que j'ai écouté avant de commencer le show, j'ai écouté la version dessins animés du cartoon de Noël. Puis oui, il y a un cartoon de Noël d'Inspecteur Gadget. J'étais même pas au courant. C'est un épisode spécial. Puis je pense qu'on l'a pas eu au Québec. Puis on voit de Dr. Gang, Docteur, c'est ça, j'ai bien dit Docteur Gang, hein? Docteur Gang. Oui, parce que c'est Gang. C'est français, là, fait que Docteur Gang. Et tu le vois en train de voler le sou du Père Noël, puis tu le vois, il arrête ici. Mais tu vois vraiment en train de mettre les gants. Tu vois vraiment, il est en train de s'habiller en Père Noël. C'est comme, OK, c'est bizarre. Mais tu sais, bon, cet épisode-là, en passant, les accros, je vous conseille vraiment pas de l'écouter, c'est troublant. Déjà, ils ont changé la voix d'Inspecteur Gadget pour mettre la voix du Schtroumpf maladroit, là. OK! C'est vraiment le gars qui prête sa voix au Schtroumpf maladroit qui donne sa voix. C'est comme, non, ça fit pas avec l'Inspecteur Gadget qu'on a connu. Vous en pensez quoi de ce personnage-là? On parle encore de Dr. Gang, là. Oui, Dr. Gang. Dr. Gang, en anglais. Dans le fond, c'est des fois, c'est souvent se demander c'est qui est vraiment l'épais. C'est-tu vraiment Gadget ou c'est Dr. Claw? Parce que ses plans foirent toujours, puis lui, il sait jamais pourquoi ses plans foirent toujours. Je suis pas sûr qu'il se doute vraiment. J'ai jamais eu de signe qui démontrait qu'il connaissait l'existence de Fino et de Sophie. Mais il s'attaque jamais. Mais c'est parce que justement, peut-être parce qu'il sait pas, dans le fond. Non, parce que ça arrive souvent qu'il capture. Mais il capture. Ça, c'est vrai. Non, ses associés le capturent. Fait que ça veut pas dire que les associés savent qu'il y a Fino et Sophie derrière. Pour eux autres, Sophie, c'est juste une petite fille qui se met pas ses affaires. Puis, hey, qu'est-ce que tu fais là? Toi, je suis un criminel méchant avec un gros menton, une grosse face LED. Ça te capture. Fait que finalement, là, Dr. Gang, là, il a jamais catché qu'il fallait qu'il capture les deux autres avant? Non! Fait que c'est pour ça que je dis, c'est qui est vraiment épais? Il se passe, j'ai pensé pour un génie, mais dans le fond, il pense que Gadget. Il est pas si méchant que ça, dans un sens, parce que Gadget, c'est comme, c'est son ami, c'est son grand ami mortel, que il risque pas à forer ses plans à cause de ses gadgets, mais également par sa perspicacité de détective. Et bon. On parle du Dr. Gang. Et comment peut-on oublier Matcha? Pauvre chat. Le chat qui, je pense que ce personnage-là est surtout créé pour montrer les émotions du Dr. Gang. vu qu'ils n'ont pas montré son visage. Selon moi, c'est une de ses manières pour montrer, bon, tu sais, quand tu vois que le Dr. Gang part à rire, tu vois le chat qui part avec, ou ben quand il est en colère, c'est le chat qui prend le bord. C'est vraiment, moi, selon moi, je fais vraiment la comparaison. Matcha est vraiment là pour montrer les émotions du personnage. Très bonne hypothèse, sérieusement. J'avais pas pensé ça de cette façon-là, mais... C'est brillant. Super belle, bonne hypothèse. Je pense qu'il est là pour ça, surtout pour montrer les émotions. Parce que sinon, à part ça, c'est un chat qui est inutile. Il sert à rien. Il est pas là pour aider son maître. Il est là juste pour être un animal de compagnie, sinon. Pour le paraître. Tout simplement. Juste pour se faire flatter par Dr. Gang. Ou quand Dr. Gang il frappe sur le bord de sa chaise à pleine force. Exprimer le... Dr. Gang, il est en colère. Il est bien méchant. Il a peur. Selon moi, c'est ça qui sert. Je pense qu'il sert vraiment à montrer juste les émotions du personnage en tant que tel. C'est bien. Non, c'est une bonne idée, ça. On va aller côté animation. Qu'est-ce que vous pensez des dessins? Bon, on parle d'une série qui date des années 80 et donc souvent les dessins sont faits rapidement dans les années 80, faut le dire. Il n'y a pas beaucoup de détails. Vous en pensez quoi, vous autres? Mais écoute, c'est un beau mélange entre le cartoon puis entre le cartoon puis quand je pourrais te dire ça, on parlait d'Anne tantôt, j'ai goût de dire qu'il y a une certaine qualité dans son animation, Inspecteur Gadget. Quand même une bonne qualité, mais malgré tout, pour une série des années 80. Mais de toute façon, regarde, on le dit et on le redit, écoute, je vais même lire que Wikipédia cite Arimi Americano-Franco-Nippo-Canadienne. Ça, c'est une coproduction de 4 pays pour faire cette série-là. Là. Alors, c'est beaucoup. Alors, pourquoi ils ont été 4 pays pour faire ça? Seul Dieu le sait. Mais ça ne change pas le fait que tu vois que c'est clair qu'il y a un certain sou de la qualité, même si c'est plus dominé français, parce que, bon, un galette a un gros nez. Également, le chef conseiller a un nez bizarre. Il y a toutes des formes un peu bizarres, mais tu sais, bizarre humoristique. C'est pas exagéré non plus, là. C'est pas... Le trait de personnage est fait correct, puis il est dans un moule en tant que tel, mais c'est pas... on peut s'identifier à ces personnages-là sans pour autant réellement les trouver normal. Oui. Absolument. C'est juste... C'est juste que c'est pas comme, mettons, là, j'ai ça en tête, désolé, je sais pas, peut-être que je vais faire plaisir à Marie en disant ça. J'aime les hologrammes, ou c'est que c'est, ou comme G.I. Joe, c'est que c'est, tu sais, c'est plus carré, les traits. Dans cette gadget, c'est plus rond, si on veut. C'est plus, ou ovale, en fait, ovale. C'est plus smooth. C'est ça, c'est exactement. Toi, Marie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, sérieusement, j'aime beaucoup ça. C'est très coloré, c'est très vif, c'est très dynamique aussi. C'est ce que moi j'aime beaucoup d'Inspecteur Gadget, c'est que c'est pas plate. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites de façon plus morne, plus terne. Moi, si je parle plutôt des couleurs et des dessins, là. Je pense pas pour rien non plus que, étant plus jeune, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié Inspector Gadget parce que ça captait l'attention rapidement au niveau de l'animation, au niveau du dessin aussi, des couleurs utilisées, tu sais. Oui, l'univers était quand même relativement normal, à part un chien qui parle, on s'entend que c'est pas normal, là. Mais c'est de l'animation. Il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de trop normal non plus, là. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup l'animation comme telle. Je trouve que c'est fluide, je trouve que c'est dynamique, je trouve que c'est bien, c'est coloré, c'est bien pensé pour le public cible de l'histoire comme telle, de l'émission. Moi, de mon côté, je trouve que l'animation est quand même belle. C'est pas une animation qui est extrêmement touché. Je dirais que pour ce qui est des Japonais, je pense qu'ils sont très durs à battre à un certain moment, surtout lorsqu'il s'agit de la production de séries dessins animés. Mais on peut reconnaître qu'ils ont quand même fait un bon travail. Les personnages sont très ressemblants, sont cartoon correct, c'est vraiment du cartoon en tant que tel. Ce que j'aime aussi, c'est les petites animations, souvent des gadgets de gadgets. Parce que fois, il faut dire une chose. Quand, je sais pas, mais il se questionne, puis tu vois sa main sortir, fait comme... Ah, c'est tellement bon, là! C'est fait, c'est bien pensé. Je pense que pour ce qui est ou bien, tu vois qu'à un moment donné, il y a un gadget qui marche pas, ben l'effet est là. Ou bien, de se demander où est-ce qu'il va sortir son prochain gadget. Va-t-il se sortir de ses mains? Va-t-il sortir de ses bras? Va-t-il sortir de son chapeau? C'est vraiment très bien pensé. C'est un des points forts de la série. C'est l'originalité de ses dessins et de son storyboard, finalement. Parce que faut dire une chose, quand ils ont créé un storyboard, ils n'ont pas forcément pensé au gadget en premier, je pense. Je pense qu'ils ont ajouté le gadget en cours de l'écriture de l'histoire, puis qu'ils ont développé ça avec le cartoon, puis qu'ils ont fait ça, finalement, des moments cocasses juste avec les gadgets en tant que tels. Ah, mais c'est tellement créatif. Tous les gadgets que peut sortir d'Inspecteur Gadget, là, sérieusement, j'aurais aimé être dans l'équipe de création juste pour savoir, OK, on pourrait mettre telle chose qui sort de son chapeau, telle chose, mettre des springs dans ses souliers pour qu'il y ait plus haut. C'est déjà, ou des crampons pour qu'il puisse monter les immeubles. C'est vraiment super créatif. Puis franchement, c'est quelque chose que j'ai jamais été vu ailleurs. Je pense. Non, de un. Et ça, même dans une de ses inspirations majeures, soit l'homme bionique. Effectivement, même dans la série, ça, c'est très très peu visible. C'est ça. C'est une petite influence, d'accord, mais c'est pas l'influence la plus importante. Et je sais pas si vous vous rappelez, un des gadgets les plus inutiles de gadget, et actuellement, c'est assez, il apparaît assez, pas souvent, mais plus qu'une fois en tout cas, c'est le bras mécanique qui offre des fleurs. C'est vrai qu'il s'en sort. Le bras mécanique qui offre des fleurs. Pour les belles jeunes demoiselles, tu sais bien. En fait, c'est arrivé une fois qu'il a fait une jeune demoiselle qui travaillait pour Dr. Gang. Mais ça a déjà sorti plus qu'une fois. Mais effectivement, je pense que c'était pas cet effet. Donc ça veut dire que celui qui a conçu, le docteur qui a conçu le corps de gadget a pensé, oh, il va peut-être devenir un bourreau de femme, on sait pas. Fait que moi, qu'on soit un gadget qui sort des fleurs, c'est, oh, ouais. Puis je vais avoir un flash. Savez-vous, c'est qui, selon vous, le docteur qui a créé l'inspecteur Gadget? Ben, il en parle un peu sur Wikipédia. Je me suis pas penché là-dessus, je dois t'avouer. Là. Je pense qu'en fait, il est parmi nous. Ah bon? C'est le docteur sans nom de Tesser Alpha. Ah, ben oui, ça se peut! Ben oui! En plus, il y a un jeu sur Super Nintendo Alpha, hein? Tu le sais pas, mais il y en a un. Et Marilyn là aussi. Je parle ça de même. Je ne insinue à rien. Sinon, écoutez, on va parler musique, son. D'abord, faut préciser une chose. La version française a des paroles. Ce qui n'a pas la version anglaise du thème original. Ça tombe bien parce qu'on nous demande justement qu'est-ce qu'on pense de la chanson au thème. Elle est catchy. Elle est vraiment, vraiment catchy. C'est quelque chose que même encore après 20 ans de l'avoir écouté, je m'en rappelle encore par cœur. Ce qui est plutôt rare. Parce qu'il y a bien des émissions où je me souviens plus du thème. Où tu fais juste fredonner dans le fond. Mais c'est vrai, là. Mais j'ai trouvé ça... Je ne savais pas que dans la version anglaise, il y avait pas de paroles du tout. Je ne savais pas. Donc, qui ose inventer des paroles, puis que ça reste aussi longtemps marqué parmi ceux qui l'ont écouté, c'est... Wow! Bravo! Non, c'est ça, parce que la version anglaise, elle dit juste « Inspector Gadget ». C'est la seule affaire qu'il dit. Et puis ça, c'est plate. Mais bon, qu'est-ce que voulez-vous? Toi, t'en penses quoi, PL? J'en pense que je devrais quasiment... Je pense que ça va faire, c'est de... Je vais me downloader le MP3 de la... du thème d'Inspecteur Gadget. Fait que quand vous allez m'appeler ou m'envoyer un message texte, ça va faire... Et ben, qui est là? Inspecteur Gadget ou un message texte? Go, go, Gadget! Je pense que je vais faire ça. Ça pourrait être... Venez, ça pas de bon sens. Accro d'Inspecteur Gadget. Je le dis, je le répète. Pour moi, ça fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs d'enfant. Que veux-tu? Dites-vous que mon secondaire, dans le temps que j'allais veiller dans les parties chez des chums dans les sous-sols, il y avait une toune d'Inspecteur Gadget en techno qui passait tout le temps. Et je vous jure, je l'ai encore en un de mes CD à quelque part. Il faut. C'est tellement... Puis c'était épique parce qu'on faisait comme... Non, c'est la toune d'Inspecteur Gadget! Une grosse chip! Nice! Désolé, je viens d'avoir une passe de Louis-José Hood dans la tête, là. Ça a juste fait comme... Vive Louis-José Hood! Ah, c'est sûr, c'est... Mais écoutez, c'était vraiment hot à l'époque. On avait la toune, puis on dansait là-dessus. Puis à cette heure, je la sors, je la réécoute, puis je fais comme nice, Inspecteur Gadget. Yeah. C'est rare qu'on fait ça en toune techno. Là. Fait que, sinon, par ça, les autres musiques, qu'est-ce que vous en pensiez? C'était surtout des petites chansons rapides sur synthétiseur de l'époque. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas une soundtrack. Impressionnant, mais c'est une soundtrack qui fait très, très bien le travail. C'est très simple, c'est ça qu'il faut aussi se mémoriser. C'est pas... C'est peut-être 3-4 notes par chanson, mais ça fait l'affaire. Mais ça fait également, si vous avez remarqué, un schéma. Dans le même temps, on entend toujours la même tune. C'est vrai. C'est comme s'il disait, OK, pour l'introduction, on prend cette toune-là. Pour l'acte 2, on prend telle autre toune. Et pour l'acte 3, juste avant qu'on conclue l'émission, ben, on prend cette toune-là spécifiquement. C'est surtout elle qui était, selon moi, la plus notable. Mais c'est bien parce que, encore là, ça démontre. Comment je pourrais dire ça? Un scénario, pas nécessairement juste au niveau du scénario, mais aussi au niveau musical, dans le fond. Tu sais, ça aidait la personne qui écoutait, l'enfant qui l'écoutait, à plus discerner. OK, ça, c'est le début de l'émission. Ça, c'est le milieu d'émission. Oh, on est à la fin de l'émission, il va se passer quoi d'intéressant? Tu sais, c'est... Oui, c'était les mêmes tunes qui revenaient à tous les épisodes, mais tu sais, on pouvait vraiment se... Comment je pourrais dire ça? Comprendre le contexte de ce qui se passe, exactement, tu sais. Puis, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien la manière qu'ils l'ont conçu pour ça. Parce que c'est un autre moyen encore de comprendre encore plus vite ce qui se passe dans l'émission. Tout à fait. Je pense que je peux pas rajouter plus, mis à part que malgré que les musiques sont très simplistes, elle apportait l'émotion avec. On pouvait comprendre que ça pouvait peut-être nous insécuriser à un certain moment. C'était un moment de joie, mais c'était correct. Je pense que c'est ça qu'il fallait, surtout pour le public qui était visé. C'était quelque chose de simple pour comprendre les impressions de l'émission en tant que telle. Rapidement, on va finir avec le conseil du jour. Il y avait toujours un conseil du jour à la fin. Oui. Des fois, c'était des affaires qui étaient brillantes, mais des fois, c'était des affaires niaiseuses. Vous en pensiez quoi de ces affaires-là? Je dis quoi? J'ai tendance à dire, et sans vouloir t'offenser, je me rappelle pas... Offense-moi, là! C'était pas niaiseux! J'ai tendance à dire que tous les conseils que Gadget disait, c'était des bons conseils. Même si c'est des affaires simples, comme admettons que c'est important d'avoir une certaine sécurité. Parce que tu sais, dans l'émission, il y a quelque chose qui s'est passé qui amène au conseil de Joe. Comme exemple, genre la certaine sécurité, ben Gadget se fait projeter. Fait que conséquemment, ben les enfants, portez votre certaine sécurité, c'est important. Et checker votre rétroviseur, tout le tralala. Ou encore un épisode qui m'a le plus marqué parce que quand même, pour une raison que j'ignore, passait surtout cette émission en rediffusion, c'est l'émission où c'est que le rocker, que dont Penny est un grand fan, son ampli est allumé, il plug ses guitares sur l'ampli, puis il provoque un court-circuit. Un court-circuit, puis le rocker se fait électrocuter. Donc, plus tard, le conseil du jour, c'est que quand vous utilisez des machines électroniques, pas électroniques, pardon, mais des amplis ou des systèmes de son de ce genre-là, c'est de rien plier pendant que ça allume, mais de bien éteindre. Faire en sorte que vos amplis soient éteints, admettons, avant de plugger vos guitares ou vos écouteurs ou peu importe, pour éviter de vous faire électrocuter. Moi, je me souviens encore d'un en particulier, c'était où Penny commençait à faire de la cuisine, puis que Inspector Gadget il arrive, il dit, garde, prends ces deux gants-là, c'est pour te protéger les mains. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je m'en souviens, c'est un des seuls. Mais je m'en souviens d'un autre où, genre, c'était à jardiner. Il jardinait, puis qu'il m'a emmené, genre, il faut pas que tu... faut que t'arraches les mauvaises plantes. Oui, c'est vrai. J'ai fait comme, non, ça, c'est pas moi, ça. Fait que je trouvais ça un petit peu bizarre, mais ça, c'est personnel. Là. C'est quelque chose que... Mais il fallait que ça prenne un petit côté éducatif, pas juste de l'action. Bien sûr, dans ce temps-là, ça prenait toujours une petite touche éducative à quelque part. Dans chaque émission que tu écoutais dans les années 80, il fallait une petite touche éducative. Et c'est à cause de ça que Marie-Lune est devenue éducatrice en garderie. Pas nécessairement, non, mais oui. Et Marie, c'est pour ça que tu es devenue éducatrice en... Ah, j'avoue, c'est à cause de Spectre Gadget que je suis devenue éducatrice. C'est ce que je pense aussi. Merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour pour ce qui est d'Inspecteur Gadget. Je pense qu'en général, on a vraiment apprécié la série. L'avoir réécouté, je pense que ça nous a chacun fait du bien. Et pendant le podcast, j'ai profité pour faire des recherches sur les DVD, justement. Puis il y en aurait de disponibles, des DVD de l'animation des années 80. Mais de ce que je peux voir en allant sur hmv.ca et Archambault, à moins que j'ai mal tapé ce que je recherche. Ouais. Je pense que les DVD sont discontinus. Ah, ça se peut, ça. Parce que ça a sûrement sorti en début de l'ère du DVD, mettons, là. 2006 que les DVD de Gadget sont sortis. Ouais, c'est ça. Ça date de 2006. Ça date quand même qu'il y a un bon petit bout. Uh-huh. C'est comme les DVD de la clique. Très dur à trouver à cette heure. Je vais essayer sur Amazon, mais j'aimerais éviter ça, tu sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, PL. Merci à toi, Marie-Lune. Ben, ça me fait plaisir. Voyons donc. C'est toujours le fun. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans un mois, parce que les podcasts des accros d'anime, c'est au mois. On en fait un sur un... On décide de sortir notre zone de confort. On s'en va au pays du soleil levant, où les productions japonaises sont maîtres et très, très puissantes. Et on va aller choisir... T'es déconnecté, Marie? Bon, ben, viens finir ça ici. OK. Bien, est-ce que tu me vois, toi? Moi, je te vois. OK. C'est vraiment Marie qui est... Marie est vraiment plantée, alors elle va être à côté de moi pour finir le podcast. Alors, on s'en va au pays du soleil. Arrête de faire ça, Marie, c'est pour ça que tu as planté la première fois. On s'en va écouter un film de Miyazaki. On s'en va voir Mon voisin Totoro, qui est un film des années 80, qui, je pense, est un de ses premiers grands hits. C'est sûr que c'est un grand hit, point final. Je veux dire, on rit souvent Miyazaki à succès phénoménal. Écoute, ta réputation n'est plus à faire. Non, sa réputation n'est vraiment plus à faire. Alors, dans un mois, allez écouter Mon voisin Totoro parce qu'on va en jaser avec vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce spécial Inspecteur Gadget. Entre-temps, PL, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur antithèse@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me rejoindre sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. On peut me rejoindre sur Twitter sur antithèse16 en un mot. On peut également lire mes pensées plus personnelles sur antithèse.blogspot.ca. Pourquoi un blogspot? Parce que même j'adore écrire, et je le fais, sur le site des accros, c'est pas non plus mon but de spammer le site, puis de spammer les forums avec mes pensées. Moi, je me sers plus du médium des forums pour communiquer avec vous, ou du médium du site pour publier des vidéos slash répandre l'amusement, l'aventure qu'est accrodesjeux.com. J'ai pris ce moment-là pour séparer les deux choses pour que ça soit clair. Pourquoi que j'ai un blog, c'est pour, comme je répète, en résumé, pas faire de spam. D'accord. Rapidement, on va tout de suite dire bye-bye à nos membres qui nous ont suivis live sur YouTube et sur Twitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Ty. Merci beaucoup. Tu nous apportes beaucoup de précisions sur beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci, Kevin Alpha. Kevin. Merci, Tester Alpha. Notre collègue Tester Alpha. Merci beaucoup d'avoir été présent lors de l'émission. Merci également. Hein? J'espère qu'il a aimé. J'espère qu'il a aimé également. On remercie également Oz Hobbs, comme Ozzy Osbourne. Merci beaucoup de ta question qui m'a demandé plus tôt. Si jamais vous voulez voir c'est quoi la question, allez voir sur la vidéo YouTube du podcast. Alors, là-dessus, sinon Twitter, rapidement, y'a-tu d'autres mondes qui nous ont jasé? Non, c'est pas mal tout. Oui. D'accord. Alors, OK. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur les internets? Comment on peut me rejoindre? C'est super. C'est là que tu me déconcentres, c'est désolé. on peut me rejoindre via le forum des accros des jeux, en tout temps, par message privé ou par dans les sujets, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, on peut me rejoindre via mes deux comptes YouTube. Donc, on a Création ML pour les accros des jeux. Et on a également Vlog de Marie, que tout le monde connaît, je suis sûre. Et sinon, à part de ça, on peut me rejoindre par courriel à vlogdemarilune@commercial.gmail.com pour toute question ou suggestion. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ou encore sur Twitter, Terrien Marie-Ève. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je pense aussi. Alors, si jamais vous voulez me rejoindre, vous pouvez utiliser le forum des accros des jeux. C'est l'un des meilleurs moyens pour me contacter. Il y a également le compte officiel des accros des jeux. C'est moi qui s'en occupe. C'est le compte accros des jeux. Il y a également le courriel des accros des jeux, accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Il y a également la page fan des accros des jeux sur Facebook. Alors, accros des jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Si vous voulez aimer notre page, allez-y. Et mon compte Facebook personnel, je n'accepte personne que je ne connais pas. Et surtout pas la russe qui a décidé de me rejoindre, qui m'a ajouté un tantôt. Ah, un petit kit des habillés sexy, genre dire clique et aime-moi. Et non, et clique, je suis ton ami, je ne te connais pas, mais je suis sûr que tu es très, très intéressant. Et j'adore voir la face de PL qui me regarde. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Alors, merci beaucoup les accros de nous avoir suivis lors du podcast des accros d'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast des accros des jeux. Sinon, dans un mois, pour jaser de mon ami Totoro. Merci beaucoup. À la prochaine.